Et tout est comme si Dieu existait. C'est Dieu, l'alcool. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et resplendissant. Voilà, je voulais pas annoncer avant pour plus de plaisir, hein, presque 15 minutes de doublette Herzl Decline of the High et des morceaux assez longs, mais tellement généreux et efficaces qu'on s'est dit que bah, y aurait pas de version cut. Donc voilà, on se retrouve tout de suite bah, pour la suite. Demande à la poussière et écorchure, si je ne m'abuse, c'est deux nouveautés de la semaine dernière. Demande à la poussière, toujours ce groupe de post-black, post-hardcore qui sort son nouvel effort studio Quiétude Hostile. On s'écoutera le titre L'oubli du contrasté. Et un autre groupe français qui chante en français, cette fois dans un registre death metal, avec toujours Monsieur Kevin Paradis à la batterie. Galibo, nouvelle EP pour Écorchure. On s'écoutera le titre Bâton et Baluchon. C'est parti. Thank you. rythme de mon matin. Rien ne t'arrête, orphelin, de jour comme de nuit. Tes complats et serrés sont poursuivis au lendemain. Tes mille instants, toujours sereins, le temps plus ou moins vide. Mais l'esprit dans la pétuée, l'esprit. C'est marrant parce que je me penche un peu sur les titres de Écorchure, de leur nouvelle EP. En France, on n'aime pas du tout quand c'est chanté en français, encore moins quand c'est du death, encore moins quand c'est intelligible. Donc avec des titres de morceaux comme ça, je suis persuadé que par chez nous, ils vont avoir du mal à trouver des oreilles attentives. En revanche, chez nos cousins du Québec, il y a moyen que ça marche à fond les ballons, ce que nous propose Écorchure, et puis bah, ce serait bien leur rendre hommage, parce que c'est ultra quali. Allez, une autre nouveauté pour nous permettre de clôturer l'aspect française, Aetheria Conscientia. Attention, gros pavé. Aetheria Conscientia, c'est une formation nantaise, second album studio après celui de 2018 qu'on vous avait déjà diffusé, si ma mémoire est bonne. On est sur une base black metal atmosphérique vachement prog, et des influences jazz bien présentes, hein, c'est pas dissimulé. Alors on n'est pas non plus sur le Shining norvégien, ça reste... vraiment une grosse base black. Voilà, 5 morceaux pour environ 1 heure de musique, c'est extrêmement créatif et riche. Le groupe utilise vraiment très généreusement le saxophone et même des percussions en soutien sur ses compos, voilà, pour un rendu assez unique. Donc voilà, Aetheria Conscientia, vraiment à découvrir ou redécouvrir. C'est le seul titre que l'on va s'écouter tout seul ce soir. Le morceau est assez long et voilà, on a fait tout simplement le choix de ne pas l'amputer non plus, parce que la playlist nous le permet tout simplement. Voilà donc pour clôturer l'aspect française Aetheria Conscientia avec le titre extrait de leur nouvel album studio Corrupted Pillar Vanity. C'est une autoprod, The Corrupted Sacrament. C'est parti. Yeah. Retour à l'aspect international avec une nouveauté pour la doublette suivante. Tout d'abord, Slope, qui nous vient d'Allemagne. Pour faire dans les très grandes lignes, Slope, c'est du hardcore. Et pour faire dans les petites lignes, c'est du hardcore ultra décalé, parce que c'est à moitié du hardcore surfeur. On retrouve des ambiances très heavy fuzz, presque, enfin même complètement funky, et des espèces de passages d'escore ultra modernes. Enfin voilà, Slope, je pense qu'il n'y a pas le juste milieu, où on accroche, où on n'aime pas du tout. Pour le coup, je suis un peu dans le juste milieu, parce qu'il y a des titres qui sont vraiment ultra cool, et d'autres où je suis là, je suis ah putain, ils en font beaucoup trop pour que ça m'accroche l'oreille. Enfin bref, premier véritable album studio, après deux EP publiés ces dernières années, et vous allez voir, ça sonne vraiment comme un groupe ricain, sauf qu'ils sont allemands. Et dans la foulée, pour la doublette de Slope, un groupe qu'on s'est déjà diffusé, Storturn, le groupe de Black Death Mellow qui nous vient de Suisse, un nouvel extrait de son album Hypermanence, Grand Nexion Abyss. Et donc juste avant ça, Slope qui sort son album tout comme Worst Dopt chez Beatdown Hardware Records. L'album s'appelle Street 8 et on s'écouterait le titre Truth Machine, c'est parti. We'll be right back. On approche déjà de la fin de l'émission, c'est l'avant-dernière doublette, que l'on va ouvrir avec une nouveauté. WOD, formation anglaise qui nous fait du black. Alors le black anglais, hein, c'est comment dire, c'est pareil, c'est une scène black vraiment très particulière. Le groupe pour nous c'est une découverte, hein, c'est cependant déjà leur troisième album studio. Musicalement, au niveau de la description, en tirant un peu, on peut voir un espèce de mélange entre Dissection et Rotting Christ, avec beaucoup de Roland Heavy Metal années 80. Voilà, donc la scène bien évidemment de Heavy 80, et même quelques éléments Death Metal, toujours dans les guitares. Donc ça donne des compos ultra riches, sans longueur, sans en faire trop non plus. Donc voilà, un projet black anglais qui sort vraiment du lot pour WOD. L'album est déjà dispo, il sort sur le label 20 Buckspin. Ça fait un petit moment qu'on n'avait rien diffusé de ce label-là. Et on s'écoutera le titre Suffering Glow, extrait de leur album Burn in Many Mirrors. Et dans la foulée, une version edit d'un morceau de Midnight Odyssey. C'est clairement un de mes coups de cœur de cette, ce premier semestre, si l'on peut dire. Midnight Odyssey, c'est vrai que j'avais déjà vu passer les précédents albums sans vraiment m'y être penché. Donc une nouvelle version edit, hein, parce que les titres sont vraiment longs. Biolume Part 2 The Golden Orb, extrait donc de leur nouvel album. On s'écoutera le titre de l'album, version cut. Golden Orb, c'est parti, WOD Midnight Odyssey. Yeah. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour l'émission d'aujourd'hui. On se donne bien sûr rendez-vous dès demain soir via le petit blog. Si vous voulez écouter, réécouter, télécharger l'émission. Et puis sinon, ce sera dimanche prochain. On se quitte avec une doublette de qualité, doublette de nouveauté dans deux registres totalement opposés, quoique ultra brutal l'un et l'autre. Forceman, tout d'abord, formation qui nous vient d'Islande. C'est une première production, un EP 4 titres pour 25 minutes de black bien violent. Là par contre on est sur un black assez primitif, frontal, avec toujours un pour respirer de temps en temps, des atmosphères et même des dissonances qui rajoutent à la qualité musicale du black de Forceman. Alors, il est à parier, la formation a vu le jour en 2019, qu'elle soit constituée de Zikos connus de la scène islandaise. Hein, la scène est très consanguine, bien que terriblement efficace. Parce que voilà, j'ai pas trouvé d'infos sur l'identité des groupes et l'ami Sylvain non plus. Ce premier EP, mine de rien, sort déjà chez Van Records, on va se marrer un peu. Dunsum, Logan et Lyoma. Non, ça va, c'est passé tout seul. C'est le nom de cet EP, et vous allez voir, voilà, j'ai travaillé mon islandais, ces dernières semaines. Forceman, on s'écoutera le titre False God. Et pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, une bonne sortie Brutal Slam Death signée New Standard Elite, l'excellent label américain. Une sortie d'un groupe belarus-russe avec Dispersed, un premier effort studio Where Silence Reigns, Eternally Lurking Behind, c'est le titre qu'on va s'écouter. À noter que dans Dispersed, on retrouve le batteur et le chanteur de Relic of Humanity, autre formation Brutal Slam Death qui nous vient de Russie. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, à dimanche prochain, ciao ciao. des murs, des flancs bleus, des publics.